remplis d'espoir. L'étoile dans les yeux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu dans et une destinée éternelle. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons.